Bandit, nigga. Bandit, yeah. Motherfucking bitch, nigga. Nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprend sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas de notre faute si on fait régner la peur. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprend sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas de notre faute si on fait régner la peur. Ray Craig opère son constat, Joe petit contat. Aucune possibilité, ton état est critique. Nous mobiliser, paralyser sur un ton mode de vie. Ici où y'a trop de pères qui trop trop veulent sort. Cette fois c'est ma clique ou my dick. Pas de panique, c'est le voile grâce des deux tours. Dit du Titanic, l'artiste fait pas des tours. Retourne tous qui bouge, que des grognes. Gakaban et moi et l'air crash. J'ai pas ton âge, que je sois petit ou plus grand. Moi aussi j'ai bu, quand tu cherches la merde ou de la faux. Même en bas d'un tour, négro, ici ça purge. Purge avec la joie de liberté. Ma joie est méditer, je préfère pomper et résister. Faire le monde c'est pas mon truc, avec la rage affronte ce monde. Vu que c'est à la mode, vu que ça marche à l'excès. L'excès. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprend sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas de notre faute si on fait régner la peur. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprend sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas de notre faute si on fait régner la peur. Dans ma street, Wall Street, le 60e département. Black et peur pour tenir le pavé. On a raté le train du droit chemin pour prendre celui de la délinquance et ça. À Creil pour s'en sortir, pour éviter le crash, les crachats et les coups de hache. Savoir riposter pendant un coup de Trafalgar. Si Chétan ne veut pas ton âme, ceux qui veulent que t'ailles te venger, mais va te venger. Attends le moment crucial pour mettre le coup de grâce. En mode coup de cross ou coup de slash. Tirer ta première balle dans un crâne, vider ton premier chargeur. Afin de tuer ton premier homme et enterrer ton premier corps. Et ça se corse quand faut s'innocenter devant un homicide volontaire. Évidemment, une fois de plus, les chicains m'ont pas su se taire. À la sortie, je leur réserve une cure disciplinaire. C'est Mister LAV, la bad seat, j'suis toujours assisté. Nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprendre sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas notre faute si on fait régner la peur. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprendre sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas notre faute si on fait régner la peur. Génération en loup engagée, génération en loup enragée. On a tellement les crocs qu'on a pécho une rage de dents. C'est terrible, c'est pénible. Pas peur de la préventive, t'en as qui crée avec les gencives. Le rap c'est comme un centre aéré, pas très aéré. Je trouve toutes les communautés, même les aéreux. Normal, je représente, c'est ma patrie. Fier ça, baba, en dessous de ma poitrine. On prend un bolide, sans frein, qui t'a foncé dans le mur. On prend des risques, dans la vie, on a rien sans rien. Comme une wedge, on fait toucher le hamelé. C'est la ligne comme hamelé, en mode pamelé. Qui veut des secrets? Qui compte si froid fera sa merde et pourra y pas à genoux. Les racines, l'Afrique, mon plaid, le Zahir, où j'viens, le six-bus, j'crèche, j'crèche. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis. Wall Street, trop de jalousie, la faute reprendre sa place. Wall Street, les stars envoient de deux couleurs, black et peur. C'est pas notre faute si on fait régner la peur. Wall Street, nos checks sont sans barrer les parchis.